Alors, c'était Zaïko Langalanga. Alors, pour le discours de Lumumba, c'était un, comme je vous ai dit avant, c'était une émission qu'on va faire, ou plusieurs émissions, parce que ça sera au moins 4 heures d'émission, et on le fera, et on vous tiendra au courant, voilà. Bon, allez, alors, je vous dis bonjour, je suis Alain de Berlin. Je suis très content d'être à la radio, qu'on m'a invité. Je suis ici pour le week-end, pour la préparation du camp No Border. Et moi, avant de vous parler de Intersquat, on va vous faire un groupe franco-allemand qui s'appelle Harry Révolté, Harry I-R-I-E, Révolté. Ils ont fait une chanson super, super bien contre la crise économique. Wenn du funktionierst, du brauchst ein genormtes Leben. Keine Zeit verlieren, alles strukturieren, dein Lebenslauf ist vorgegeben. Immer konsumieren, rennen, hetzen, gehen und die Ellenbogen heben. Bloß nicht kritisieren, du kannst es nicht riskieren, einen anderen Weg zu gehen. Du bist im Bauch Geborgenheit, du bist geboren. Schon im Kindesalter lernst du, Zeit geht schnell verloren. Das Leben ist ein Wettlauf und jeder will nach vorn. Wenn du auf der Strecke bleibst, wirst du eingefroren. Die Uhr macht Tick-Tack, sie bestimmt den Ton. Hast du zu wenig Gefühl ist wie dein Metronom. Jeder springt im Zickzack, alles muss sich lohnen. Das ist der Herzschlag der Zivilisation. Zeit ist Geld, alle wollen mehr. Die ganze Welt rennt hier hinterher. Zeit ist Geld, spürst du wie die Zeit vergeht? Zeit ist Geld, und wie sie deinen Kopf verdreht. Zeit ist Geld, alle wollen mehr. Die ganze Welt rennt hier hinterher. Zeit ist Geld, hat sie an der Uhr gedreht. Zeit ist Geld, beeil dich, sonst kommst du zu spät. Wir sind programmiert und die Zeit diktiert, wie wir uns fortbewegen. Immer mit marschieren, sich profilieren und stets sein Bestes geben. Profite maximieren, Abläufe optimieren, jeden Moment effizient im Leben. Wir sind am Rotieren, bis wir kollabieren, nur mit am Rad zu drehen. Alle wollen immer mehr, alle rennen nur hinterher, als wenn morgen schon heute wär. Wettlauf, jeder will der Beste sein, keiner will der Letzte sein, jeder rennt und hetzt allein. Wettlauf, alle wollen vorn sein, alle wollen gut sein, alle wollen schnell sein, alle wollen stark sein, alle wollen gut abschneiden im Wettlauf mit der Zeit. Keiner will spät sein, keiner will schlecht sein, keiner will lang sein, keiner will schwach sein, keiner will schlecht abschneiden im Wettlauf mit der Zeit. Zeit ist Geld, alle wollen mehr, die ganze Welt rennt hier hinterher. Zeit ist Geld, spürst du wie die Zeit vergeht? Zeit ist Geld, und wie sie deinen Kopf verdreht? Zeit ist Geld, alle wollen mehr, die ganze Welt rennt hier hinterher. Zeit ist Geld, hat sie an der Uhr gedreht? Zeit ist Geld, beeil dich, sonst kommst du zu spät. Jouer la montre, qu'on laisse tomber toute la pression des différentes attentes. Et que la terre tourne plus doucement et que les aiguilles nous attrapent pas. Essayons de vivre ce rêve-là, petit à petit et pas à pas. Heute wird da mein Fist ist ewig haltbar. Mal schnell, mal langsam bewegt sich die Zeit. Der Mensch setzt Standards von Uhrwerk bis Schalter, strukturiert den Alltag und verdreht die Zeit. Das Ergebnis Hektik, kompletter Hackmack. Zeit fehlt immer, ein ständiger Jetlag. Geld zu scheffeln ist nur Mittel zum Selbstzweck. Stechwort Check, er diktiert uns die Zeit. Zeit ist Geld, alle wollen mehr. Die ganze Welt rennt hier hinterher. Zeit ist Geld, spürst du wie die Zeit vergeht? Zeit ist Geld, C'était Harry Révolté de Berlin. En fin de compte, c'est un groupe franco-allemand. Si vous voulez les écouter, vous pouvez regarder dans YouTube ou bien www.harry-révolté.com. Ok, alors nous à Berlin, nous sommes en train d'organiser du 10 au 19 septembre un Intersquad Festival. La semaine prochaine, il y a déjà un Intersquad Festival qui va se dérouler à Barcelone, mais nous on va l'organiser à Berlin et on va essayer de connecter tous les groupes et tous les... On va essayer de... Pendant ce séjour du 10 au 19 septembre, on veut faire 2 jours où qu'il y aura un congrès. Et le congrès va s'intituler « Contre la violence policière, qui nous protège de la violence policière ?» Parce que nous sommes, dans tous les pays européens, la police devient de plus en plus brutalité. Ce que nous voudrons faire là pendant ces 2 jours, c'est de se connecter en réseau ensemble, de voir les possibilités de faire des actions en commun, des actions de solidarité en commun internationale. Et on aura quelques questions, comment fonctionne la gentrification dans les villes différentes, comment vont les squats globalement, etc. Et c'est à nous de voir, mais il peut aussi y avoir des... Comme si vous voulez venir, nous sommes très contents, vous pouvez aussi apporter vous-même, il y aura des ateliers, des workshops, vous pouvez apporter vous-même des idées. Le truc très important, c'est aussi avec nos expériences qu'on a eues quand... Il y a des brutalités policières dans quelques villes en Europe. Par exemple, nous, à Berlin, on peut organiser des manifs devant les ambassades. On peut, si vous voulez, aussi envoyer des fax de solidarité. Et ça joue quand même ça joue beaucoup. Alors, nous appelons tous ceux qui veulent venir là, à ce festival. Intersquad, du 10 au 19 septembre, à Berlin. Je vais vous donner 2 mails. Le premier, c'est intersquad-berlin@RISEUP, ça s'écrit RISEUP.net. Et le deuxième qui est plus facile, c'est alainch@gmx.de. Alors nous appelons tous les gens qui aimeraient bien venir venir à Berlin et surtout de participer à ce Intersquad Festival. Bon, je vous ai expliqué comment ça se passe pour le moment à Berlin. La répression policière, je pense qu'elle est aussi assez très forte. La semaine dernière, nous avons fait une grande manif contre la crise économique. Il y avait quand même 20 000 personnes. Après, il y a eu une manif qui a été faite pour les squats et pour essayer de refaire des squats à Berlin. Mais ça a été vraiment dissous par la police. Vraiment, ils sont venus vraiment... On a été dissous. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, en fin de compte. Mais ça a été quand même un petit succès parce que c'était une occasion de voir que la gauche libertaire, on a réussi quand même à trouver un dominateur commun qui était, par exemple, qui contre la violence policière. Et on a eu un grand, grand bloc pendant cette manif contre la crise, où il y avait 20 000 personnes, on était quand même 3 000. Il y avait quand même un grand, grand bloc de gens cagoulés, parce qu'en Allemagne, c'est interdit de porter les cagoules. Mais quand même, c'était assez bien parce qu'on avait un grand, grand bloc qu'on était vraiment... La police a essayé de rentrer, mais ils n'ont pas pu, parce que même après, les autres gens qui participaient à cette manif ont quand même aidé. Quand même, c'est quand même assez important de voir ça. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que à Berlin, nous allons essayer de fonder aussi, nous avons fondé un bureau, c'est un bureau contre la violence policière, où que nous faisons du travail underground. On fait du travail underground, c'est le travail qu'on fait, c'est que on distribue des flyers, des petits flyers dans le métro. Mais très vite, et on repart, et on appelle tous les gens qui peuvent faire quelque chose contre cette brutalité policière. Parce que nous, on dit que même le clochard qui se fait frapper par le flic, c'est aussi quelque chose qu'il faut être contre. Et à travers ça, on commence à avoir un peu des soutiens, même de ces homeless people qui viennent dans les bureaux et qui commencent à nous parler. Et à travers ça, on peut dire, tu as le droit de crier sur la police, tu as le droit de téléphoner au numéro qu'on a, nous, de la Legal Team, de l'International Legal Team. Tu as le droit de dire à la personne qui va se faire arrêter ou bien frapper, donne-moi ton nom. Nous, on va téléphoner à la Legal Team. Et nous, de la Legal Team, on va avec les avocats, on essaie d'aller dans les prisons, etc. On va vous repasser une musique encore de Harry Revolte qui s'appelle Rebelle. Écoutez. Rebelle, belle, belle, la, la, la, panique, la, la, la, la, la, rebelle, belle, belle, la, la, la, nous sommes là. Rebelle, belle, belle, la, la, la, panique, la, la, la, la, la, rebelle, belle, belle, la, la, la, nous sommes là. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. On est bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. Pour cela, j'aime bien reggae, musique, crois-moi que j'aime bien le dancehall. Ce que j'aime pas, c'est les paroles dans mon mobile, les paroles de raga, les sons que je kiffe. Sans crunch, j'ai surpris, fout à l'en pétale. Tous les babboys, tous les babans, tous les imbéciles avec la bahale. Nos paroles sont dures, nos paroles sont antinationales. Notre relation avec l'État n'est pas bonne, n'est pas amicale. Ils nous traitent de voyous, ils nous traitent d'une bande animale. C'est mon choix d'être rebelle, c'est mon choix d'être radical. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. Les bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. Oh les bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela. C'est un appel du rebelle, c'est un appel à la morale. La vie est belle, pour cela moi je reste radical. Je n'accepte pas l'intolérance, je n'accepte pas l'homophobie dans la danse. Je reste rebelle contre les abus sexuels, je reste rebelle. Je défends les homosexuels, je reste rebelle. Je sais que la vie peut être belle, c'est un appel à la morale, c'est un appel des rebelles. Ouais, j'observe une situation, regardez-moi ce gars-là. Il n'arrête pas de draguer cette fille, puis elle est le recala. Il commence à la bousculer et j'espère que dans ce cas-là, et tous les gens vont venir avec nous pour lui faire du mal. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. Pour cela, on est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. On les bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela. Ça parle de Rastafari et puis ça parle de Selassie, du roi des rois, du sauveur de l'Afrique et de l'Éthiopie. Heureusement qu'il était là pour combattre et lutter contre l'Italie, mais n'oublions pas le massacre qu'il a fait en Érythrée. Je pense qu'ils vont faire gaffe avec les gens qu'on glorifie. Je tolère tout sauf l'intolérance, j'accepte mon avis. Et c'est dommage que beaucoup de chanteurs, beaucoup d'MC semblent pas avoir de propre opinion, c'est que des copies. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. On les bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. On les bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela. Je pense qu'il ne faut pas tout accepter, je pense qu'il ne faut pas tout tolérer, je pense qu'il faut dire son opinion même si on se fait persécuter. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que j'ai chanté, qui vont m'attaquer, qui vont me chasser, mais je vous dis, je m'en fiche. Oui, alors c'était le groupe Harry Revolte avec Rebelle. Bon, je vais répéter les adresses e-mail. Alors c'est intersquat-berlin@risup.net. Ce serait bien si vous nous transmettez vos idées et jusqu'au 13 août à cette adresse email ou bien à l'autre qui c'est Alain, alainch@gmx.de. Nous avons pris maintenant des contacts ici chez vous à Bruxelles avec un squat qui s'appelle Jésus et le squat 123 rue Royale. Nous sommes très solidaires avec eux. Nous avons aussi invité à ce festival Intersquat là, qui va se passer à Berlin. En même temps, je suis ici aussi pour la deuxième rencontre internationale du camp No Border qui va se passer chez vous aussi à Bruxelles, qui se passera le 25 septembre au 3 octobre. Demain et après-demain, nous allons avoir le meeting ici. qui va aussi se dérouler des choses. Et nous nous mettons aussi, nous, de nos borders solidaires avec ce squad de Jésus, parce que nous avons entendu que peut-être ils vont se faire expulser à la fin septembre. C'est pour ça que nous appelons tous les gens de venir soutenir ce squad, que c'est très important, parce que de plus en plus, la répression policière et d'État dans l'Europe nous vole nos maisons, ou bien nos choses qu'on a créées nous-mêmes, autonomes, les choses autonomes qu'on a créées. À Berlin, il va venir des squads de Barcelona, de Barcelone. Eux, ils vont se présenter, ils vont nous aussi expliquer ce qu'ils font en cas de solidarité si la police vient expulser. Mais aussi, il va y avoir des squads de Montpellier qui veulent, pendant ce festival, gérer un peu le côté artistique, ou qu'il va y avoir aussi des présentations et des workshops de théâtre. De improvisation tents et de peintures qui sont très belles, que j'ai déjà vues aussi. Le squad de London qu'on connaît, ils vont venir aussi, ils voudraient aussi se présenter, et c'est ça qu'on veut essayer, que chaque squad se présente. Quelles sont les choses positives? Quelles sont les choses négatives? Pourquoi qu'on n'arrive pas à vivre ensemble souvent? Il faut dire la vérité, nous sommes nés dans un capitalisme et souvent on a encore ce capitalisme en nous. Ce n'est pas parce qu'on habite dans un squat qu'il faut croire que le capitalisme qu'on a en nous est parti. On a l'expérience aussi à Berlin, c'est pour ça que je dis la vérité. Cette chose après que chacun s'enferme dans sa chambre privée, on le connaît aussi à Berlin. Et ce n'est pas pour ça qu'on combat non plus. Mais je trouve que c'est important qu'on en parle parce que c'est quand même quelque chose qui est là et on n'a pas besoin d'avoir peur d'en parler parce que c'est seulement comme ça qu'on arrive à gérer quelque chose. Alors, par exemple, chez nous à Berlin, on a fait, à travers cette expérience, on a appelé maintenant le squat porte ouverte. Alors, porte ouverte, ce qui veut dire, par exemple, que bon, chacun a une chambre, ou bien avec sa copine ou son copain, et quand il veut être tranquille, ben, il ferme sa porte. Et pour nous tous, ça veut dire, OK, on frappe même pas à la porte, c'est OK, la personne, elle veut être tranquille, et elle n'a même pas besoin de dire pourquoi. Mais ce qu'on demande, nous, c'est que les portes soient ouvertes. Ça veut dire que sa porte soit ouverte, que ma porte soit ouverte, qu'on rentre dans notre chambre, et salut, ça va, on boit un thé ensemble, etc., ou bien un café. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose qui est très importante chez nous aussi, c'est que, comme maintenant, par exemple, là, maintenant, je suis à Bruxelles pour 4 jours, ma chambre, elle est libre. Ça veut dire que les gens qui habitent dans le même étage que moi, s'ils ont des amis et tout, ils peuvent prendre ma chambre. Et c'est une question pour nous de confiance, parce que je sais que s'il y a quelque chose qui a été volé dans ma chambre ou bien cassé, les autres sont responsables. Et c'est comme ça, et ça marche. Mais il nous a fallu du temps pour réussir à trouver ce concept, parce qu'au début, quand même, il y a aussi cette chose qu'on a toujours un peu en nous de refermer. Et on gère maintenant, on arrive à créer des choses artistiques ensemble. On arrive aussi à créer, on a une bibliothèque alternative qui est très bien, qui marche aussi. Et on arrive aussi à discuter de la façon de nos borders. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des discussions politiques chez nous, à Bethanien, à Kreuzberg, c'est toujours deux personnes qui gèrent, comment on appelle ça, qui gèrent les discussions. Et ils doivent faire attention que c'est toujours un garçon ou bien une fille qui parle. Pas toujours les mêmes. Et ça, c'est important pour nous. Parce que sinon, c'est toujours la parole est toujours presque au gars, pour dire la vérité. Ou bien toujours que ceux qui arrivent bien à parler. Et le reste, ils sont là, ils sont seulement, on appelle ça passif. Nous, on appelle ça consommateur. Alors on essaye, je ne dis pas que ça marche toujours. Il faut dire quand même la vérité. Mais on essaye toujours de rappeler toujours, hey, attention, il y en a, ça fait déjà 3 fois que tu parles, s'il te plaît. Et ça nous apprend à chacun de nous aussi de se retirer un peu, de se reculer un peu. Ça, c'est très important. Et ce qu'on fait aussi dans le squat, c'est la récupération. On fait la cuisine collective ensemble. Et on s'occupe des enfants. On a une maternelle. On s'occupe des enfants parce que pour nous, c'est très important. Les enfants, c'est l'avenir. On a une maternelle et puis on a créé une école. Moi, je donne des cours de français et de théâtre, théâtre invisible. Et l'école est une école de façon nouvelle, comment on appellerait ça, éducatif. Ouais, le mot éducatif, on n'aime pas trop, mais je ne trouve pas d'autres mots. Par exemple, moi, je donne des cours et dans mes cours, on s'assoit par terre, on s'assoit en rond. On discute des thèmes qui leur font plaisir, les thèmes des adolescents, par exemple, les thèmes d'affection, les thèmes aussi politiques, ou bien les thèmes sociaux, les thèmes familiales. Et ce qui est pas mal quand même, c'est que les écoliers, les jeunes là, qui sont chez nous, ils ont la possibilité, quand ils ont des problèmes, de venir et de pouvoir dormir. Et nous, on gère avec eux. Ça veut dire qu'on appelle les parents et on leur explique, écoutez, votre fille ou bien votre garçon, il est chez nous, ne paniquez pas. Moi, je suis prof, moi, ils commencent à me connaître. On les rassure et ça fait souffler souvent ces garçons ou bien ces jeunes filles, adolescents, qui ont des problèmes sentimentaux, mais même d'autres problèmes. Bon, c'est une nouvelle façon qu'on a créée. Et on s'ouvre. Parce qu'il y a des années qu'on n'arrivait pas à s'ouvrir, il faut dire la vérité, parce que souvent quand on habite dans des squats, quand, surtout des squats de gauche, on s'enferme après. Ça veut pourquoi dire... des squats de gauche? Parce qu'il y a des squats de droite. Il y a des squats, malheureusement, dans l'Allemagne de l'Est, il y a des... on n'appellerait pas ça des squats, ils appellent ça autrement, eux. Hein. Mais ils gèrent aussi des maisons comme ça, la droite. C'est pour ça que, tu vois ce que je veux dire, l'extrême droite, là, les fachos. Hein. Ils n'appellent pas ça squat, ils appellent ça le centre de... Eux, ils font de l'éducation, Voilà, voilà. Ils font mais tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'appelle des gens de gauche libertaires et tout, qu'à la fin, on se rend ferme de trop et on n'ouvre plus, tu vois, on est seulement dans nous, on se croit presque les meilleurs, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas appris en fin de compte. Et nous, on a dit non. Alors soit on arrête le squat parce que sinon on revient dans cette dominance capitaliste qu'on est, ou bien on s'ouvre, ce qui veut dire des précaires, homeless, des jeunes, des quartiers, etc. Même s'ils viennent dans le squat, ils parlent avec nous et qu'ils n'ont pas le même langage, c'est OK. Parce que c'est aussi un mouvement politique et social. Mm-hmm. Tu comprends? Et je crois que c'est très important de le voir. C'est ces jeunes-là, le jeune qui va écrire des graffitis, même si ce n'est pas le graffiti anticapitaliste, tu vois, mais c'est quand même un mouvement politique et social. Et ça, on peut être avec. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important. J'aimerais bien, avant qu'on remette une musique de Harry Révolté, de vous parler, parce que je fais partie d'une initiative qui s'appelle Origello. Origello, c'était un demandeur d'asile qui venait de la Sierra Leone. Et la police l'a brûlé dans sa cellule à Dessau, en Allemagne. Et la truc la plus extraordinaire, c'est que quand ils ont arrêté Ori à Dessau, bon, il avait bu beaucoup d'alcool. Ils l'ont mis dans une cellule attachée sur un matelas anti-inflammable. Hein. Et il paraît, à travers le procureur de la République, que Uri avait dans sa poche un briquet attaché. Il a pris le briquet dans sa poche et il a allumé ce matelas inflammable. Voilà. Alors, vraiment, vraiment horrible. Et avec les experts que nous avons réussi, nous, à avoir d'Angleterre et aussi de France, ces matelas, tu peux seulement les brûler, arriver, hein, du moins les cramer un peu avec une chaleur de 800 à 1000 degrés. Et alors, il y a eu un scandale, puisque la police allemande voulait très vite rapatrier le corps. Et on a fait, nous, une action, ça a été une action un peu macabre, mais il a fallu qu'on la fasse. C'est qu'à l'église, il y a eu l'enterrement. La cérémonie. Voilà. On a ouvert le cercueil. Et en ouvrant le cercueil, on a vu que, il était complètement cramé, Uri. Et on a demandé tout de suite une expertise, une seconde expertise. Et voilà qu'on a fait tout de suite la seconde expertise. On a vu, les médecins ont dit que Uri avait son nez était cassé. Une côte était cassée, son oreille était percée, tout ça que la police avait dit. Alors on se demande comment ça s'est fait. Alors on a re-appelé le procès, il y a eu le procès. Une policière a plaidé au début, a dit qu'elle avait entendu des cris de Origello et que son chef lui a dit « Éteins l'haut-parleur parce que je veux téléphoner ». Ils ont éteint l'haut-parleur. Deuxièmement, quand il y a eu la fumée que normalement on faisait alarme, il a éteint ça, il a dit « Ouais, ça me dérange trop, les noirs, les nègres, ils commencent à déconner », à peu près comme ça. Il a parlé, il a éteint. Et cette policière a dit ça au début. Mais pendant le procès, elle a complètement enlevé ça. Bon, c'est sûr qu'elle a eu la pression, etc. Mais elle avait déjà dit ça. Et ça nous a fait quand même... Parce que ce que voulait la police, c'est de dire « Ok, il s'est suicidé, on l'expédie en Afrique, et puis c'est fini ». Mais à travers toute la résonance qu'on a réussi à faire, l'initiative Origello, après il y a eu la caravane de Hambourg qui s'est mise solidaire, après il y a eu des groupes antifa qui sont commencés à se mettre solidaires, ça a quand même fait des échos, des échos. dans toute l'Allemagne. Et il y a même eu à la fin quand même un groupe de télévision de la ARD, c'est bon, la télévision de la première chaîne, si vous voulez, qui a fait un film sur Uri Gelo. Et le copain de Uri, qui s'appelle Moltar, qui est avec dans les initiatives, a été avec le corps, retourné en Afrique, a visité la mer. Alors, pour vous expliquer aussi qu'il y a un truc assez drôle, c'est que le procureur de la République, la justice allemande, a dit que, bon, on pouvait faire un procès contre cette police si les parents portaient plainte. Alors, il a fallu aller chercher les parents à Sierra Leone. Ils ont été chercher, Mokta a été chercher la mère, qui est venue à Dessau en Allemagne. Et la police voulait des preuves que cette femme, c'était la mère. Alors, tu vois, ils ont dit oui, ça se peut, alors, etc., etc., tu vois. Ça a été vraiment un scandale. On a été, alors, en fin de compte, jusqu'à le tribunal, comment on dit en français, suprême, ouais, de l'Allemagne, qui est à Karlsruhe, au Bas Landesgericht. On a été jusqu'à là-bas. Ou qu'en Bas Landesgericht, on seulement dit, OK, le procès est un peu louche, il faut recommencer. Alors, ce qu'on nous dit, c'est un assassinat, on dit que c'est assassinat. Naturellement, eux, ils disent que c'est le suicide. Le rejugement, en fin de compte, va être en septembre à Magdebourg. Les questions qu'a demandé le juge, maintenant, les juges suprêmes, c'est le briquet et la vidéo. Normalement, il y a une vidéo, et c'est que le truc qui est drôle, c'est que le passage où que le feu commence, la vidéo est cassée. Avant, on voit crier un peu Uri Gelo, on le voit crier. La porte de la cellule est ouverte, on ne sait pas qui c'est qui rentre. Et après, clac, clac, clac. Et c'est ça qu'on a demandé à travers les avocats. Attends, comment que ça se fait, ça, y a quelque chose qui est louche. Et alors, le juge, c'est ça qu'il dit. Je suis aussi en Belgique parce que je m'occupe parce que je suis aussi de l'International Legal Team. On était à Strasbourg contre l'OTAN. On fait à nos borders aussi les Legal Team, etc. Parce qu'on va essayer de trouver des avocats belges. On a trouvé des avocats français. Parce qu'on veut créer un comité juridique d'observateurs pendant ce procès avec les avocats de Hambourg qu'on a, Gabriella, qu'elle est d'accord. On va demander dès le début au juge qu'on veut avoir ce groupe d'observateurs. Et que ce groupe d'observateurs aura le droit, puisqu'il sera juridique, il y aura des avocats et des gens de la Legal Team, aura le droit de demander des questions aux témoins s'ils ne sont pas d'accord. Ça, par exemple, les témoins aussi, puisque tous les témoins sont des flics, en fin de compte, c'est de la police, ils ont le droit. Et aussi le droit de regarder dans les dossiers. C'est une chose juridique pour beaucoup, mais nous, c'est une chose politique. Parce que je fais partie de ce groupe, ce qu'on va faire immédiatement, si le juge, au début, ne va pas accepter, puisque je ne pense pas qu'il y ait un juge dans un tribunal européen, au début, qui va dire, dans n'importe quel pays d'Europe, qui va dire oui, au début. Mais ça appartient quand même à la Convention européenne de défense. C'est pour ça, puisqu'on aura des avocats européens, entre parenthèses, eux ont le droit de dire, attendez, nous, on a le droit d'être à la Cour d'Europe, on va porter plainte. Et à travers ça, je pense que ça va un peu chauffer pour la justice allemande. Les Allemands, même dans tous les autres, ils n'aiment pas trop quand ça va un peu plus loin dans d'autres pays. Bon, c'est ça qu'on va essayer. Et je souhaite qu'on va réussir. Ce que nous demandons, nous, c'est qu'on a géré, comme j'ai dit avant, à Berlin, on a créé ce bureau contre la violence policière. Ça serait super bien si vous arrivez aussi, vous, à Bruxelles, d'ouvrir ces bureaux de contact, de parler avec les gens. Parce que nous disons que c'est pas seulement les émigrés, migrant people, c'est pas seulement les émigrés maintenant qui sont, c'est pas seulement eux, il y a les chômeurs, t'as les précaires, t'as les écoliers, t'as les vieilles, c'est tout ça qui sont toujours le contrôle de police qui les frappe, ou bien ça, c'est vrai, n'importe quel pays. Et pendant ce festival Intersquat à Berlin, nous voudrons discuter sur ça, mais comme je t'expliquais avant, nous voulons plus discuter avec le phénomène de dire « Ouais, notre police, elle est mieux que l'autre. » Ça, on ne veut pas. Non, il n'y a pas une police qui est mieux. Peut-être elle fait autrement, mais la répression policière, chacun la ressent. Et c'est ça qui est très important. C'est pas parce que je ne sais pas, un exemple bête, mais par exemple que la police suisse ne frappe pas comme la police belge, que la personne qui s'est fait frapper a le même trauma que l'autre. C'est ça qu'on veut dire. C'est pour ça que la discussion à Berlin ne sera pas sur ce sujet. Notre police est mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cette brutalité policière? Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette répression policière? Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette répression d'État? Parce que c'est la répression d'État qui est, et nous le disons clairement, qui devient de plus en plus fasciste. Avant de continuer, on pourrait mettre encore une musique de Harry Révolté. Pêche indélicate pour tous les gens qui sont abandonnés par la société, ceux qui ne sont pas acceptés, ceux qui sont exclus, ceux qui sont jugés par leur capacité économique. Spéciale dédicace pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas, pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère. Oui, taillant dans le sang pour le temps, taillant dans des manipulations, notre dit pour du plus d'un bas d'autre. Spéciale dédicace aux gens exclus, aux jeunes en colère, aux gens déçus, à ceux qui souffrent du froid dans la rue, traités comme des ordures, traités comme du papier-cul. Si tu es anormal, tu gâches la belle vue d'une société hypocrite pour être bienvenu. Il faut que tu t'adaptes, sinon tu n'es pas reçu. Faisant de plus qu'un le silence, faisant du bruit, oui. Car partout y'a des minorités, des gens exclus de la société. C'est encore le principe de Darwin qui règne, le plus fort va gagner, va rester. Arrêtons de vivre selon ce principe de passé, de discriminer pour ne pas être discriminé. D'opprimer pour ne pas être opprimé, de se mettre payant pour pas être payant. Je veux l'égalité pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas, pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère. Oui, t'as dans des savoirs, t'as dans des agrégations, t'as dit pas du pays d'un ballon. Tell your papa and mama Babylon greatest, and I tell the government and the vampires capitalize. I will be sending from the world of segregation. I'll be a bell, bell. No way my people in pain, yeah, yeah, yeah. Wanna see my people like so well, well, well. Now I see my people say them swell, swell, swell. You mean I'm boom. Pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas. Aux gens qui vivent la misère, aux gosses en papa hiver, aux victimes humanitaires qui ne savaient pas quoi faire, aux femmes violées dans les guerres, ceux qui travaillent sans salaire, comment peut-on leur dire de se taire, dédier aux clodos abandonnés, aux clodos qui sont livrés, à la police au condé, enfermés, emprisonnés, dédiés aux désespérés, qui n'ont pas pu résister à la prison quotidienne, réveillez-vous. Pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas. Pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas, pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère. We tired of the suffering, tired of the manipulation, the study for the people and ball out. Ouais, me revoilà de Berlin, de moi à Bruxelles. oui, alors je continue. Ce qui est important, c'est que nous appelons tous les gens, tous les citoyens, citoyennes, les précaires, les chômeurs, les immigrés et tout, à s'unir ensemble, d'essayer de communiquer ensemble et de travailler ensemble, surtout c'est contre cette répression policière qui est chaque jour présente, et d'essayer de gérer ou de créer ensemble cette chose de, comme Legal Team ou bien des bureaux. Notre idée, ce serait aussi qu'on va en parler à ce squat, c'est que peut-être vous pouvez faire ça aussi en Belgique. Nous, on va essayer en Allemagne, c'est de lancer une campagne de signatures où qu'on aura beaucoup de signatures et on apportera ça au Bundestag pour que le Bundestag parle de cette violence policière. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, ils n'en parlent pas. La police, mais de plus en plus, on voit à Berlin, pas seulement à Berlin, à Hamburg, à Köln, à Mannheim, à Heidelberg, à Munich et tout, on voit que doucement, certains membres de cette société commencent à ne plus voir la police comme les copains ou bien les amis. Et à travers ça, parce que ils ont toujours des pressions qu'il y a en France, comme en Belgique, comme en Suisse et partout en Europe. Et ce serait pas mal si vous vous solidarisez entre vous. C'est la seule chose qu'on... C'est une arme, on appelle ça aussi, c'est une arme, et c'est très important que vous y ayez pensé, et que pas chacun pour soi. Le squat, c'est pourquoi ce squat ? Pourquoi nous squattons ? C'est pour souvent, on nous a demandé ces questions, que je trouve que c'est aussi juste de nous poser ça. Nous voulons créer des espaces libres, mais surtout, qui est très important pour nous, c'est d'essayer de casser cet isolement qui existe vraiment beaucoup dans notre société, et que je pense que chacun de vous peut dire aussi de lui-même. On essaie de faire plus collectif et de refaire ensemble qu'il y avait à l'époque. C'était les cafés travailleurs, ouvriers, les ententes ouvrières, qui a été complètement cassé par ce capitalisme et par cette nouvelle société. Et on essaie de recréer ça. Et nous voyons déjà la répression d'État. La répression d'État, on la voit déjà là. Par exemple, les jeunes de banlieue, quand ils se rencontrent ensemble, un groupe, ça ne va pas. Alors, c'est déjà une réponse qu'on a vraiment claire devant nos yeux de cette répression d'État. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut résigner. Naturellement, ce n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire qu'il faut résigner. Venez nous voir à Berlin, venez voir les squats à Bruxelles. J'ai été en visiter deux aujourd'hui, j'étais super, super content. Et super, comment on aurait dit, ouais... super content d'avoir pris des contacts avec les gens là-bas. Ça ne marche pas à 100% comme on souhaite, mais c'est normal. Mais ils essayent de vivre autrement, ils essayent de vivre en collectivité, ils font la bouffe ensemble. Alors réfléchissez aussi aux petits jeunes, pas seulement aux petits jeunes, à vous, les citoyens et citoyennes de Bruxelles, là, que vous êtes tout seul devant votre télé. Là, vous avez peut-être la possibilité de communiquer avec d'autres gens et de ne plus être seul. Et je trouve que c'est la maladie de notre société, ça. Et c'est pour ça qu'on squatte. C'est pour ça qu'on squatte. Et à Barcelone, par exemple, nous avons ouvert un centre social dans le squat qu'on a fait, qui s'appelle Centre Social Mouvement Mondial. Et dans ce centre social, voilà, on ouvre des espaces libres pour la communication, pour la relation humaine. Voilà le mot, je le cherchais. Pour la relation humaine, pour nous, c'est plus important. Parce que relation humaine, c'est équivalent aussi un travail politique, en fin de compte. Et quand il y a la relation humaine qui est là, qui est présente, la chose politique, elle va. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez nous comprendre. La maison qu'on occupe à Bersac, qui s'appelle Casmadeu, c'est un ancien couvent qui est sur la montagne à Barça. Si vous allez là-bas, tu croiras jamais que tu es à Barcelona, parce que tu marches dans la forêt et tout à coup, tu as ce vieux couvent. Vraiment dans Barcelona, c'est drôle, mais c'est super. On a des jardins, on fait du pain pour toutes les autres maisons occupées. Et on fait beaucoup de choses alternatives. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour moi, c'est pour ça que j'y ai habité. Ce qui était très important pour moi, c'est surtout, je suis très social. Je travaille dans le social. J'aime bien ce truc, c'est d'essayer de prendre contact. Et on a pris le contact avec les enfants de la ZUP. Il y a deux ZUP. Et avec eux, on fait du cirque. Ouais, on fait du cirque. Et à l'époque, tous les mois, on faisait une représentation avec ces enfants. Hein, on demandait à l'époque aux parents qui venaient peut-être 10 ou bien 20 pesetas à l'époque, tu vois, c'était comme ça. Mais la chose là qui a été assez, pour nous, assez vraiment super, c'est que quand les flics ont voulu nous expulser, nous on s'était attachés à la maison, on s'était vraiment cloués au mur, troisième étage, on était cloués au mur, qu'il fallait que les flics en fin de compte viennent avec des échelles. Et tout à coup, ils sont venus, ses parents et tous ces enfants de cette banlieue. Ouais, ils sont montés en haut, ils sont faits comme un mur devant nous. Et ils ont dit à la police, ils leur ont crié, ouais, qu'est-ce qu'a fait l'État pour nous? Qu'est-ce qu'a fait la ville de Barcelona pour nous? Ils font rien, eux, ils font pour les enfants. Et la police n'a pas pu passer. Et ça a été énorme, et ça nous a donné une chaleur, tu vois. On a vu quand même que le travail qu'on faisait pendant des années a quand même donné ses fruits. Et après, on a fait naturellement la fiesta, etc. Mais ça marche toujours, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que j'appelle aussi les gens qui squattent, c'est bien. S'il vous plaît, ouvrez-vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais ouvrez, faites des centres sociaux, mouvement mondial. Et ça, c'est quand même une arme qui est assez forte, que l'État a très peur. L'État a plus peur de ça, en fin de compte, que si on va dans les manifs, on y va aussi, et on, contre les flics, par exemple. Mais l'État a plus peur de ça, a plus peur qu'on recommunique ensemble. Mm-hmm. Ouais, de la solidarité. Ils ont vraiment plus peur de ça que quand tu vas dans les manifs, le soi-disant Black Bloc, et sous le Black Bloc, ils le contrôlent dans les manifs, dans les grandes manifs, ils le contrôlent. Tu vois, c'est ça. Oui. Ce qui est assez intéressant, c'est ce que tu dis. Mais par exemple, les partis politiques, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche, qu'est-ce qu'ils en pensent, en fait? Parce que, par exemple, à Barcelone, il y a quand même des groupes assez importants au niveau de la gauche. Je ne parle pas des anarchistes de la CNT ou des choses comme ça, qui ne sont pas à gauche, qui sont CNT, anarchistes. Mais qu'est-ce que pensent, par exemple, les Verts de la Généralitat? Déjà, qu'est-ce que pense la Généralitat? Parce qu'il y a quand même des gens à la Généralitat qui veulent justement le bien-être des gens de Barcelone, oui. Qui disent tout du moins, mais ouais. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu en penses. Ouais. Bon, de Barça, je peux te dire seulement des petites choses, parce que ce n'est pas trop mon domaine, mais de Berlin, je peux plus t'en parler. Ouais. Excuse-moi l'expression, mais ces gens comme les Verts, ou bien les Links, ou tout ça, ce sont des vendus. Excuse-moi, ce sont des vendus. Au début, comme Fischer, je ne sais pas si vous connaissez, hein, Fischer, le grand qui s'amusait à jeter des pierres. T'as vu, il est devenu ministre et c'est lui qui a fait les nouvelles lois contre tout ça. Tu vois, il a complètement oublié son passé et qui a même dit que squatter, c'était même plus révolutionnaire pour lui, etc. On voit vraiment. Et ces gens-là, ce sont des gens, en fin de compte, qui pensent... qui veulent... Alors, ok, attends. Nous, ce que nous voulons, je le dis clairement, nous voulons changer ce système. Tu vois? Mais eux ne veulent pas changer ce système. Ils veulent avoir leur profit mieux dans ce système. Ils ne veulent pas changer ce système. Et voilà la différence entre nous et eux. Tu vois? Et ces gens-là n'acceptent pas les choses alternatives. En fin de compte, les alternatives pour eux, c'est alternatives contrôlées. Et à Barça, c'est ça. Ouais. Tu vois, ils veulent dire, ok, nous sommes de gauche, peut-être de libertaire, mais ce qu'ils veulent, c'est ce serait des maisons de jeunes, mais des maisons de jeunes contrôlées. Tu vois, ils ne veulent pas ces trucs autonomes, ces choses qui sont gérées de nous-mêmes, tu vois. Et ça, ils ne veulent pas. Et ils ont perdu, en fin de compte, un peu leur idéal qu'ils avaient peut-être au début, tu vois, qu'ils avaient un peu au début. Ils ont complètement perdu ça parce qu'il leur faut un peu un contrôle. Seulement avec de donner un nom, maison occupée, et que, je sais pas, l'État subventionne derrière. Il y a eu le phénomène de Paris quand il y a eu le Forum social européen. On avait organisé le Forum social libertaire. Je sais pas si vous aviez vu. Chirac, à l'époque, avait donné 1 million à Attac. Hein, voilà. Et Attaque, et pourquoi? Et pourquoi que ça a fait ça? On l'a su, nous, après. C'est pour ça qu'on dit Attaque partout, action nulle part. C'est notre slogan. Attaque partout, action nulle part. Parce qu'avec Chichi, avec Chirac, ils ont fait que le forum social se fait à Saint-Ouen et à Saint-Denis, dans les banlieues, mais pas à Paris-Centre. Et nous, on voulait le faire à Paris-Centre, tu vois. Et c'est à peu près pareil que tant qu'il y a un parti ou bien une organisation qui devient politique et qui rentre dans un truc parlementaire, ils sont obligés de jouer le rôle aussi. Et par exemple, Die Linke, en Allemagne, ou bien les Verts, n'attaquent pas cette violence policière, n'attaquent pas la répression policière. Et eux-mêmes, par exemple, comme Fischer, quand il était à Stadtbahn West, qui était à Francfort à l'époque, contre cet aéroport américain qui a voulu être construit, ou bien Korlib, que vous avez connu, là, de Atom, hein, il a fait aussi des... Et que les flics aussi avaient arrêté, à l'époque aussi, ils disaient contre la violence policière. Là, quand il y a eu les choses là, qui s'est passé, quand lui, il était ministre de l'Intérieur, non. Et je ne sais pas si c'est bien, en fin de compte, de rentrer dans un truc comme ça, de parlement, je ne sais pas, là, je n'ai pas une réponse, mais je ne pense pas que c'est bien. C'est-à-dire que je veux pas. Je pose la question. Oui. Parce qu'il y a quand même, de temps en temps, il y a une récupération de, par exemple, l'écologie ou des choses comme ça. Mmh. Moi, il y a 40 ans, en 68, on avait déjà crié contre que le monde allait exploser et tout. Correct. C'était l'Institut du Massachusetts qui avait dit ça. Ouais. Et il y a, on a fait des manifs de vélo, on a fait des trucs. Mais je pense que les idées se récupèrent à ce niveau-là. Des Verts, par exemple, sur les choses. Bon, ils ne sont pas révolutionnaires, ils n'ont jamais été révolutionnaires. Non. Mais ils récupèrent. Ouais. Et ce qui m'énerve beaucoup, c'est que dans 200 ans, on dira que c'est la droite qui a fait l'écologie. Quoi. Voilà, et ça me... C'est-à-dire que quand on voit des bourgeois ou des trucs qui viennent sur les marchés bio... Et par exemple, je parle du bio et ça me gêne beaucoup. C'est-à-dire à Bruxelles, il y a peut-être des personnes qui vendent du bio et qui vendent du bio de saison. Et les autres, c'est pour pas s'empoisonner et qui viennent avec leur 4x4 ou des choses comme ça. Bon, je dis pas tous, hein, mais c'est-à-dire que c'est une certaine, disons, une frange de la population, bobo, qui... mangent du bio et qui vont chez les homéopathes. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, quand j'allais chez les homéopathes, on me disait, les gens, ils me disaient, vous êtes fous, vous allez voir des sorciers et tout. Mmh. Et maintenant, on va chez les homéopathes, on voit des dames en vison ou des trucs comme ça. Ouais. Et c'est à ce niveau-là que je voulais intervenir. T'as raison, ça c'est la chose typique. Là, je donne complètement raison et c'est ça que nous critiquons aussi. Je te dis, voilà, la différence, c'est que nous, j'appelle nous le mouvement qu'on est, on veut changer ce système. Pendant qu'eux, ils ne veulent pas changer ce système. Ils veulent une amélioration, mais pour eux. Tu vois, une amélioration pour eux. Quand tu prends, bon, quand je reprends ce thème, mais quand tu prends ce mouvement qui s'appelle ATTAC, c'était pour la taxe, en fin de compte, l'État leur a donné le bonbon, on les entend presque plus, tu vois. Et les Verts ont pris à l'époque en Allemagne... le mouvement écologique, le mouvement contre l'atome crabe-vert, contre l'atome nucléaire, pour se pousser vers le Parlement. En Allemagne, nous, on dit que le vert, hein, le personnage vert, c'est le petit bourgeois qui maintenant n'a plus la cravate, mais c'est le bourgeois qui se balade en jean, qui a son petit jardin, qui mange bio, et tu vois, et laisse-moi tranquille, voilà. Tac, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que moi, ce que je disais toujours dans les manifs, il faut pas demander, il faut prendre. Oui, oui, voilà la différence. Non, voilà, c'est ça que il faudrait, c'est ça que nous, on a réussi quand même à essayer de dire, pour un certain travail juridique, on n'est pas contre, s'il y a les gens des Verts, les gens des PDS, je ne sais plus quoi, qui veulent dire « Ok, nous travaillons avec vous », parce que nous, ce que nous demandons, c'est que cette violence policière, cette brutalité policière, devienne un thème, que les journalistes n'ont pas peur et d'en parler. Par exemple, quand on a fait le G8 à Évian, les journalistes nous ont demandé à nous, je me rappelle à l'époque, il y a Alain, qu'est-ce que vous faites du Black Bloc ? Moi, je leur ai dit, le Black Bloc, c'est notre problème. Attendez, non. Je dis, qu'est-ce que vous faites, vous ? À Gênes, moi, j'étais à Genova. À Gênes, la police a frappé vos confrères, mais vraiment brutalement, vous n'avez presque rien dit contre. Alors, occupez-vous de cette violence. Et c'est ça qui est assez dur dans tous les pays, c'est que les journalistes, on n'a pas des journalistes qui ont pas trop peur de dire vraiment ce qui se passe. Et ces gens, comme tu viens de dire... quand ils sont à un niveau oppositionnel, tu les vois encore avec toi dans la rue, tu les vois parfois avec toi dans les squats, mais dès qu'ils ont une place dans le Parlement, dès qu'ils ont un truc, tu les vois plus du tout. Parfois, ils viennent tu sais, dans des petites fêtes à Kreuzberg pour se montrer « Allô, allô, allô, je suis là, tu vois. » Mais dans les mouvements sociaux, tu les vois pas du tout. Et ça perd vraiment beaucoup. Et je te donne complètement raison, il faudrait que la population ouvre les yeux, même pour ces gens-là, qu'ils ouvrent vraiment les yeux, et de voir qui est encore resté à la base, parce que c'est important. Et une personne des Verts en Allemagne, je ne sais pas chez vous, je dis vraiment le terme, et je n'ai pas peur, je le dirai toujours, 95%, 95% vous dites, sont des bourgeois, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais été précaires, qui n'ont jamais été touchés le chômage, qui n'ont jamais été toi, jamais. Qui n'ont jamais couché dehors, qui n'ont jamais... Non. En Allemagne, non. Je ne connais pas, on ne connaît personne, qui est famille nombreuse, etc. Non. Alors toi, ils sont vraiment, ces hommes politiques, ils sont vraiment loin, ils vivent dans un autre monde. Ils vivent complètement dans un autre monde. Non, ils l'ont peut-être fait dans leur jeunesse, comment s'appelle, quand ils avaient 15 ans, quand ils voyageaient, ils faisaient du stop. Bah ouais, okay, effectivement, ils l'ont fait comme ça, c'est une expérience qu'ils ont fait, mais ils n'ont jamais été obligés de le faire. Voilà. Ils l'ont fait parce qu'ils voyageaient et puis que c'était comme ça. Moi, j'ai fait pas mal de stops dans ma vie et j'ai rencontré des gens. Moi, j'ai couché dans les gares. Mais bon, voilà quoi. Ouais, mais moi aussi, j'ai jamais été obligé d'aller coucher dehors. Et j'espère pas. Non, mais je veux dire que c'est possible. Je veux seulement dire que c'est possible quand même de rester à un niveau de base. Bon, je donne. Moi, je vais redonner l'exemple de Harry Révolté, du groupe franco-allemand, qu'ils ont joué à Rostock devant 70 000 personnes. Et deux semaines après, il y a un centre de jeunes, un centre autonome de jeunes de Stuttgart qui allait fermer. Qui ont demandé au groupe Harry Révolté, parce qu'ils savent qu'ils étaient connus, parce qu'ils allaient faire une fête de solidarité, et il y avait seulement 150 personnes, et ils ont dit oui, on y va. Ça veut dire que c'est possible, c'est pas parce que tout à coup tu as joué devant 70 000 et tu commences à être connu. Et c'est ça qu'il faut essayer de rester quand même à la base. Et cette base, ça, c'est une base sociale, c'est quand tu as déjà été. Comment on dirait en français, quand tu as déjà vécu ça dans ton enfance, quand tu as vu comment que c'était, alors tu restes. Pendant que beaucoup de ces gens-là, souvent, je n'ai rien contre, mais souvent, tous ces hommes politiques, n'importe quel groupe de gauche, en Allemagne, comme en Espagne, à Barcelona, ils ont presque tous étudié. Ils n'ont pas été dans les usines. Non, mais c'est des choses quand même qui sont très importantes de voir. S'ils avaient vraiment vécu ces trucs des OS qui travaillent, qui font le tournement, qui travaillent le matin, le soir, toi, et que tu te vas à l'usine, tu travailles à la chaîne, toi, il y a quelque chose qui se passe autrement dans la tête. Mais là, non. Alors, comme les juges en Allemagne, en Allemagne, le Hartz IV, ça s'appelle, c'est le social. Tu touches le chômage et après une certaine année tu ne touches plus. Si tu touches le deuxième chômage, je ne sais pas comment on vous dirait en français. Et les juges, alors accroche-toi, attends. Ce deuxième chose, le social, c'est seulement 340 euros par mois. Seulement. Et les juges, alors on a porté plainte avec beaucoup de gens. Les juges ont dit que c'était humain, avec 340 euros on pouvait vivre. Non. Et ces juges-là, tu te rends compte, ces juges-là. C'est 340 euros par jour, ils te le dépensent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la relation, et c'est une relation même inhumaine. C'est une relation. Ils vivent complètement dans un autre monde. Complètement dans des autres mondes. De dire que c'est humain et qu'ils peuvent vivre une famille avec 340 euros par mois, pendant qu'eux, tu vois, et même ils prennent même des crédits encore en plus, ou bien avec, parce qu'ils sont juges, ou bien ils sont je sais pas quoi, ils payent leur voyage avec les impôts des autres, leur voiture est payée, ils connaissent tout ça. Et c'est ça qu'il faudrait que le citoyen et la citoyenne de tous ces pays deviennent conscients. Et on essaie, c'est un travail qu'on essaie, qu'ils viennent conscients qu'on n'est pas contre eux. On n'est pas contre eux. Et nous, on le dit, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Et je vous dis aussi la vérité, c'est qu'on fait plus peur, en fin de compte, que si, par exemple, moi, par exemple, je prenais un crédit à la banque pour m'acheter une Mercedes. Alors là, je ne leur ferais pas peur, par exemple. Mais parce que nous, on leur dit... On n'a pas besoin de vous. Alors ça leur fait peur. C'est comme le no border. Le no border, c'est typique. Parce que vous n'êtes pas contrôlable. Voilà. Parce que le no border, excuse, le no border, c'était ça qu'on appelait le no border à Strasbourg. C'est que quand on a fait les pourparlers et que l'État de France, à l'époque, qui nous disait « Ouais, mais vous avez besoin des toilettes, vous avez besoin de ça. » Et nous, on disait « Non, non, on fait ça nous-mêmes. » Ils n'avaient plus quoi dire. « Ouais, mais vous avez besoin de... » On fait ça nous-mêmes. Et on a fait ça nous-mêmes. Ouais, mais comment vous voulez faire pour moi ? On fait ça nous-mêmes. C'est notre problème. Comment vous allez faire s'il y a des vols, s'il y a des bagarres dans votre camp ? On va gérer ça. Tu vois ? Et ça, ça leur fait peur. Tu comprends ? C'est-à-dire que ce qu'il y a, je pense qu'il y a un nouveau mouvement qui se fait, qui est intéressant au niveau économique et tout. C'est la décroissance. Et je pense que là, qu'est-ce que tu veux dire là par la décroissance, c'est-à-dire de consommer moins, d'acheter moins, de vivre sur soi-même. Il y a le glanage. On en parle même à la radio. De plus en plus, il y a des glanages. Le glanage, c'est les gens qui ramassent les fruits et les choses. La récupère. Je l'ai fait il y a 40 ans à Londres, mais ça existe toujours. Ouais. Et c'est assez extraordinaire parce que même les petits commerçants, entre parenthèses, entre guillemets, c'est quand même des gens qui leur donnent des cajots et tout. J'ai écouté ça sur une radio française. Mmh. Et de plus en plus, il y a ça, une crise et tout. Mmh. Et je pense que si on veut faire une faille dans le capitaliste, c'est la décroissance. Parce que ça va les gêner énormément. Oui. Parce que la non-consommation, ça veut dire, c'est réduire le commerce, quoi. Mais Axel, il faut quand même, c'est bien ce que tu dis, mais il faudrait quand même qu'on arrive à s'asseoir ensemble, nous, moi, pas seulement nous, mais les autres gens, de savoir comment à réussir aussi à sensibiliser ces gens que tu dis qui font la récupération, qui vivent précaires, qu'on arrive à les sensibiliser, à se regrouper ensemble, à communiquer ensemble. Parce que c'est vrai ce que tu dis, à Berlin, il y a beaucoup de homeless, il y a beaucoup de ces gens, mais ils sont encore, marginalisés. Voilà, tout seul. Il va faire sa récupération tout seul. Bah, entre parenthèses ou bien à deux, tu vois. Et c'est ça qu'on est en train de parler à Berlin. Je ne te dis pas qu'on a encore une solution, mais on essaye de parler de ça, qui est très important, parce que ce que tu viens de dire, c'est juste. De plus en plus, il y a. De plus en plus, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, et etc., etc. Et on essaye d'essayer de parler avec eux. On essaye de créer, de ne pas payer les loyers, puisque les loyers vont être trop chers, toi, par exemple. Mais je trouve que c'est important que nous parlons ensemble. C'est pour ça que ce intersquat, ce sera très intéressant qu'on parle aussi de ça entre nous. Comment on peut sensibiliser les gens? On va les inviter aussi, ces gens, tu vois. On va les inviter. Ce sera même bien que ces gens-là viennent, prennent la parole. C'est à peu près le même exemple. Je ne sais pas si tu as été en Argentine après la crise. Moi, j'ai été en Argentine après la crise. Tu as vu vraiment cette fondation de Barrio qu'on fait maintenant à No Border. Ça a été fait là-bas. Et là, tu as vraiment vu tout à coup ce humanisation, j'appellerais ça, je connais pas d'autres mots, cette humanisation où que les gens reparlaient ensemble, où que les gens se re-ensemble, et quand tu étais là, entre eux ils disaient, putain, mais ça fait combien de temps qu'on n'était pas ensemble à côté d'un feu, par exemple? Ça faisait combien de temps, ouais? Il faut cette putain de crise, tu vois, malheureusement, pour qu'on arrive. Il faut qu'on arrive à prendre, entre parenthèses, cette chance, je ne sais pas comment on pourrait dire, pour essayer de sensibiliser et d'essayer. C'est pour ça qu'à la radio, je répète, j'appelle tous ceux qui nous écoutent de ne pas s'isoler. L'isolement n'est pas bien et croyez-moi que le capitalisme vous mangera encore plus. Ce n'est pas parce que tu auras des Nike ou bien Adidas, oui, comme mais tu dis. Oui, mais très fin, le capitaliste. Mais, la seule chose, c'est de t'ouvrir et de t'ouvrir, d'aller dans tes quartiers, de faire des barrios dans tes quartiers, de faire des cuisines populaires, de faire des fêtes populaires et de faire ensemble, de faire quelque chose. Ça, c'est très important. On peut mettre une musique de Harry? Ça parle de morale, ça parle de raison, ça parle de la meilleure créature sur cette terre. En même temps, j'entends des bombes qui s'éclatent. J'entends les cris des enfants qui meurent de faim, de leur maman violée, de leur papa torturé. Et je me pose la question, où est la morale dont vous parlez toujours, qui soi-disant nous rend meilleurs que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? Où est la morale dont vous parlez toujours, qui soi-disant nous rend meilleurs que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? Chaque individu est libre de définir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut laisser. Il peut traiter les gens autour de lui d'une bonne façon ou les oppresser. Il peut commencer une chose, il peut l'accepter, l'ignorer ou la cesser. Ce choix libre est notre défi, nos présents vont pas la délaisser. Malheureusement, beaucoup de gens portent pas leur réflexion sur leurs actions. Ce comportement est ignorant, et côté dommage d'une dimension. Insoupçonné, imaginé, un droit universel s'il nous faudrait. Malade pour toute personne, un peu importe où elle s'en est. Où est la morale dont vous parlez toujours, qui soit disant nous rend meilleur que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? Où est la morale dont vous parlez toujours, qui soi-disant nous rend meilleur que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? ideale Zeitpunkte vergänglich sind, so ändern sich auch feste Ansichten. Doch zwischen den Blickwinkeln bleibt das Leid, das wir mit unseren Händen anrichten. Die Zeit der Start, jeden Tag, wenn wir die fremden Schmerzen ablichten, die die Welt flüchtig aufhorchen lassen, mal den tagtäglich schlechten Nachrichten. Wir appellieren an die Vernunft, immer wenn wieder Wesen brandstiften. Doch die Vernunft scheint zu schweigen bei den unfassbar schweren Angriffen. Gibt es keine Werte abseits von Sprachen, Kulturen und begrenzten Landstrichen? Ist die Moral nur eine Tradition, die wir den Menschenrechten anrichten? Où est la morale? Quand vous vendez des enfants comme soldats, ou dans les génocides comme en Rwanda? Où est la morale, dites-moi? Quand vous vendez des armes en tuant des massacres collectifs, vous en profitez. Où est la morale? Quand pour vos intérêts économiques, vous êtes prêts à lancer la bombe atomique. Où est la morale, dites-moi? Vous inventez des camps de concentration pour éraser toute la population. Où est la morale dont vous parlez toujours, qui soi-disant nous rend meilleurs que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? Où est la morale dont vous parlez toujours, qui soi-disant nous rend meilleurs que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? Bonjour au messieurs les présidents, bienvenue sur cette réunion. Aujourd'hui nous décidons sur les plus pauvres régions. Et vous savez que c'est important que nous gagnions. Et faut qu'on profite, que nos économies sont les plus forts. Nous sommes légers, oui. Et pour les autres on ferme toutes nos portes. Et on a trop. Qui veulent y rentrer, ils sont désespérés parce qu'ils n'ont rien à bouffer, ça tue. Mais sur notre bateau, il n'y a plus de place et quelqu'un va le porter. Où est la morale dont vous parlez toujours, qui soi-disant nous rend meilleurs que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? Où est la morale dont vous parlez toujours, qui soi-disant nous rend meilleurs que l'animal? Où est la morale dont vous parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale? Ouais, alors c'est encore Arrêt Révolté, Mouvement Mondial, Ok, je remercie Axel, Nicole et Serge. Et je vous répète encore, alors, InterSquad Festival à Berlin qui se déroulera du 10 au 19 septembre. Je vous redonne encore les adresses internet, c'est intersquad-berlin@risup.net, risup ça s'écrit risup.net, ou bien Alain, alainch@gmx.de. Je vous rappelle aussi que chez vous à Bruxelles il y a aussi des squats, ce serait super bien si vous allez les visiter, ils seront très contents les gens. L'initiative Origello où j'en fais partie, remercie aussi qu'on a réussi à parler aussi de son cas qui va. Son procès va être à Magdebourg en septembre. Et pour finir, je vous rappelle aussi que chez vous, il va y avoir le camp No Border, à Bruxelles, qui se déroulera du 25 septembre au 3 octobre. Et là, on serait vraiment enchantés, vraiment contents si vous venez nombreux nous voir et participer. Alors merci, et en allemand, on dit tschüss, à bientôt. Alors, voici bientôt 4 longues semaines que les gens normaux. J'entends les gens issus de la norme, avec deux bras et deux jambes pour signifier qu'ils existent, subissent à longueur d'antenne les dégradantes contorsions manchottes de hordes encalcenées, sudoripares, qui se disputent sur le gazon l'honneur minuscule d'être champion de la balle au pied. Voici bien la différence entre le singe et le footballeur. Le premier a trop de mains ou pas assez de pieds pour s'abaisser à jouer au football. Le football ? Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pataux de 22 handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron, en ahanan de râles vulgaires, de bœufs éteints? Quel bâtard en rut de quel camp Tu ris. Quel bâtard en rude de quel corneau branlé oserait manifester sa libido en s'enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquet de 8 à grands coups de pattes grasses et mouillées, en hurlant de gutturalité simiesque à choquer un rocker d'usine. Quelle brute glacée, quel monstre décérébré, de quel ordre noir oserait rire sur des cadavres comme nous le vîmes en vérité, certains soirs du Hesel, où vos idoles calamiteux, goalistes, extatiques, ont exulté de joie folle au milieu de 40 morts piétinés, tout ça parce que la babale était dans les bois. Je vous hais, footballeur. Vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois, le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. J'eusse aimé que les amibes vous coupassent les pattes jusqu'à la fin du tournoi. Mais Dieu n'a pas voulu. Ça ne m'a pas surpris de sa part. Il est des vôtres, il est comme vous, il est partout. Tout le temps, quoi qu'on fasse et où qu'on se planque, on ne peut y échapper. Quand j'étais petit garçon, je me suis cru longtemps anormal parce que je vous repoussais déjà. Je refusais systématiquement de jouer au foot à l'école ou dans la rue. On me disait « Ah, la fille !» ou bien « Tiens, il est malade !» Tellement l'idée d'anormalité est solidement solidaire de la non-footballité. Je vous emmerde. Je n'ai jamais été malade. Quant à la féminité que vous subodoriez, elle est toujours en moi et me pousse au temps chaud à rechercher la compagnie des femmes, y compris celle des vôtres, que je ne rechigne pas à culbuter quand vous vibrez au stade. Pouf, pouf. Ça, texte de Pierre Desproges, qui a été fait dans les années... attendez, c'est une chronique. Le 16 juin 1986, et c'est extrait des chroniques de la haine ordinaire qui était aux éditions Point Catégorie Virgule. Voilà, merci. Il est matin et très tôt, le gris l'avait bouffé chier. À peine courir dans le métro, à la main gauche le journal, à la main droite le café à emporter. Dans le métro, rester debout, le journal raconte des choses passées. La vie quotidienne est plus vite que nous, enfin arrivé. Et y'a assez d'affaires à faire, les temps de commencer, du temps de jouer assez. J'ai pas le temps. Quoi? J'ai pas la force. Excusez-moi, mais le technicien est un peu perdu là. Il a oublié de travailler. Il n'a pas le temps de travailler. Alors donc, face à la technique agressive et à un développement sans règles, la Terre est nue, roulons nus à vélo pour sauver la Terre. Alors demain, on vous invite à une cyclonudista qui va se passer, à 14h sur la place de la Monnaie pour une manifestation unique dans le centre de Bruxelles. Alors c'est comme tous les ans, mais là c'était à la place de la Monnaie. Donc il faut vous imaginer amener vos propres propositions, revendications peintes sur le corps, hissées sur un drapeau, attachées à votre vélo, brodées dans vos cheveux, délivrer les villes du trafic automobile et transformer l'espace public en lieu de vie, pour libérer nos corps et nos esprits de la publicité, pour nous émanciper nos existences et sauver la Terre de cette surconsommation suicidaire. Alors demain à 14h, si ça vous dit, prenez vos vélos et venez tous déguisés à poil. Peinturlurés à poil, comme vous voulez. Rejoindre cette manifestation sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Bon, on va vous dire au revoir. On remercie Alain d'être venu nous voir. Et en tout cas, si vous voulez faire pisser le chien, il y a une solution, c'est que vous allez à Berlin. Il y a un mur, un grand, grand mur. Ils l'ont refait il n'y a pas longtemps parce qu'ils en avaient marre. Alors, ils ont refait le mur. C'est un scoop. Et demain, il y a la DDR. Salut!